Il s'agit du flot de casse. Oui, un oui calme. Un petit oui, un malheureusement. Un petit oui pour, hélas, pour une annonce de milieu de semaine. Voilà. N'y allons pas par quatre chemins. Alors, c'est pas. On va dire qu'on a deux nouvelles. On en a une. Il y en a une qui est mauvaise, qui est vraiment mauvaise. Une qui est bonne. Qui est bonne, mais en vrai. C'est parce qu'elle est mauvaise. En termes d'échelle. Elle est quand même pas aussi bonne que l'autre est mauvaise. C'est ça que je veux dire. Après, chacun fait son marché. Il y a vraiment une mauvaise nouvelle. Cette saison du Floodcast est la dernière. Voilà. On arrête début juillet. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ça fait pile 10 ans. On sera normalement, on sait pas, mais aux alentours de 250 épisodes. On va vous expliquer un peu dans les grandes lignes, hein, les pourquoi, du comment, etc. Quand même la bonne nouvelle, parce que l'idée c'était pas d'arrêter comme ça. Voilà. On va faire 3 salles Playel. Trois dates à Paris uniquement. À Paris. Alors on a essayé, on a regardé. Malheureusement, les emplois du temps, etc., ne nous ont pas permis de refaire une tournée. C'était trop compliqué. Alors on a essayé de mettre un maximum de dates à Paris, en se disant on espère qu'on remplit. Ouais, dans la limite de ce qu'on peut remplir selon nous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis 3 dates les 20, 21 et 22 juin à la salle Playel. Et non pas à la salle Guillaume Playel. Tu spoil la blague. Qui n'a rien à voir. Donc, on clôture le Floodcast. Dans 3 dates, j'ai envie de dire exceptionnelles quand même, où il va y avoir plein de surprises. C'est vraiment les dernières. C'est nos adieux d'Aznavour. Les 3 dernières dates où il y aura plein d'invités, plein de surprises. On travaille à fond dessus avec Adrien en ce moment. Pas encore, donc, mais l'idée... on va bientôt travailler. Moi j'ai un peu travaillé quand même. Rigole, oui. Et en gros, l'idée, c'est de faire une vraie fête pour partir, pour que ce soit un truc joyeux, un truc cool, pour que ce soit pas... Évidemment, ce sera... On va pas se foutre de votre gueule, quoi. Bah non, quand même. Et la billetterie ouvre... Il y aura peut-être des imitations. Non, disons pas plus. Non, mais il y aura... On veut essayer de faire un vrai... concentré de ce qu'a, dans l'ADN, selon nous, était le Floodcast. En tout cas, ce qu'on a kiffé depuis faire. 10 ans, ce que vous avez aimé aussi. C'est beau partage qu'on a eu quelque part. Et donc voilà, ce sera les 20, 21, 22 et la billetterie ouvre ce vendredi. 20, 21, 22 juin. Juin et la billetterie ouvre ce vendredi là. Après-demain. Donc, après-demain, si vous écoutez ça mercredi. Même, en tout cas, bon, je pense qu'on va faire une annonce Insta aussi, hein, mais voilà. C'est le vendredi 2 mai. Le vendredi 2 mai. Donc, voilà, faites pas le pont, hein. Déconnez pas. Voilà. Alors, bon, il y a toujours les téléphones, il y a les trucs. Non, mais voilà. Donc, voilà. Donc, on va faire ça quand même dans la fête et la joie. J'ai envie de citer Roald Dahl. Ne pleurez pas, parce que ça, c'est fini. Pleurez de joie. Parce que ça a existé. Ça a existé. Roald Dahl. C'est Roald Dahl qui dit ça ? Je sais pas. C'est même pas vraiment la bonne phrase. Je pense. Oui. Je suis pas sûr que c'est Roald Dahl qui dit ça, mais. C'est Béatrice Dahl, pardon. J'ai confondu les deux. Donc, voilà. Plus sérieusement. Pourquoi on arrête ? En vrai, c'est ça aussi. C'est un peu comme la fin d'un couple. Où on se dit qu'on arrête, c'est qu'il n'y a pas une vraie raison. Je parle aux gens qui sont déjà sur TikTok en train de faire des dramas. Tout va bien. Et c'est pour ça d'ailleurs, on va le dire aussi. D'ailleurs, on fait des épisodes jusqu'à la fin de la saison. Bah, je pense que si vous comprenez qu'on fait 3 dates à la salle Playel, c'est que tout va bien entre nous. C'est juste, voilà, ça fait longtemps. Ça fait 10 ans. On travaille beaucoup. Moi, il faut dire la vérité, c'est moi qui ai eu l'impulsion en première. Je suis allé te voir en disant écoute, moi je sens que c'est un peu la dernière saison. Non mais c'est toi, mais c'est pas pour dire c'est ta faute. C'est juste que tu es impliqué sur beaucoup de projets, t'as une vie de famille, t'as une fille, etc. Évidemment. Et aussi surtout, le Floodcast te demande beaucoup plus de temps. À toi, moi, j'ai un peu le beau rôle où j'ai juste à venir deux heures. Attention. Excellent à chaque fois que t'arrives derrière ce micro. Non mais j'ai le beau rôle dans le sens que je n'ai rien à préparer et c'est pas moi qui me tape le montage, parce qu'il faut quand même rappeler que depuis 10 ans on fait ça tous les deux. On est que tous les deux. On enregistre chez moi, je fais le montage. Et le c'est mixage. Du temps de, on se concerte pour dire qui est-ce qu'on invite. Essayer de on contacte les gens pour voir s'ils sont dispo, ils sont pas dispo, etc. Donc on fait tout seul. Toi, tu dois préparer le jeu, tu dois après faire le montage, etc. Donc je mate les films aussi depuis quelques temps. Ce que je ne fais, je n'ai pas fait une seule fois sans doute depuis 10 ans. Et voilà. Et donc t'es à la fois celui qui a le moins de temps et celui à qui le Floodcast demande le plus de temps. Donc effectivement, avant que le Floodcast en pâtisse. Tu as effectivement senti que c'était le moment où fallait arrêter avant que justement tout le reste de tes activités, aussi bien pro que perso, viennent empiéter sur le Floodcast. C'est ça. Et du coup, moi, évidemment, je te suis dans la décision et je me dis, bah, ça fait 10 ans, c'est cool. Et voilà, quoi. De toute façon, il n'y a pas de. Ça a commencé avec toi, avec ton idée, tu m'as proposé de venir. Et le moment où tu sens qu'il faut arrêter, vu l'implication que ça te demande, eh ben, on arrête, quoi. Mais surtout qu'en plus, parce que maintenant que le cinéma prend beaucoup de temps. C'est vendre du popcorn. C'est... déjà, c'est vrai. Non, mais prend une bonne partie de ma vie. Ouais. Ça fait maintenant 4 ans, en fait. Pour être tout à fait honnête. Moi, ça fait 3 ans que ça devient difficile. Alors, ouais, je suis pas à l'usine. Je suis pas. J'ai conscience, c'est du plaisir et je me plains justement pas du tout. J'arrête avant que je devienne ce connard qui se plaigne de faire un truc aussi cool que le Floodcast. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait quand même 3 voire 4 ans que c'est vraiment plus difficile. Je monte l'épisode de plus en plus tard, genre le dimanche, la nuit. Oui, la nuit, le dimanche. Là, on enregistre après l'épisode avec Benjamin Tranier et moi de Winter. J'ai fini le montage à 3h du matin. Enfin, c'est ça devient difficile avec effectivement la petite et les travaux différents. Evil Dead, il y a le décalage horaire. Donc, c'est des trucs d'organisation de vie où, alors, je vais pas être ce cliché ambulant qui parle de santé mentale, de burn-out et de choses comme ça, mais j'ai frôlé, là, depuis 2-3 ans, des moments. Même Adrien, on en a parlé, hein, où t'étais un peu plus irritable. Ouais, bien sûr. Et je veux pas devenir. Moi, je peux me féliciter d'avoir jamais été irritable en disant. Enfin, je crois pas, hein. Franchement, j'ai pas souvenir d'avoir été irritable. Je pense. Enfin, je sais non, pas. Non. On me corrigera, mais je crois pas. Et donc voilà, et puis après, c'est vrai qu'on a quand même aussi échangé sur une possible suite. Je t'ai proposé, mais si tu veux continuer avec quelqu'un d'autre, etc. Ou même faire un autre podcast sur le flux du Floodcast. Et c'est vrai qu'en discutant, on disait que ça avait peut-être pas. Ça n'a pas de sens. Enfin, voilà. Genre. D'ailleurs, pour. Moi, j'étais fermé à rien, tu vois, je le dis aussi. Bien sûr. Et du coup, bon, moi, je dis, je n'ai pas, au moment où je parle, de projet pour prendre la suite du Floodcast. Mais on est fermé à rien, encore une fois. Non, mais voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être rien. Ouais. Peut-être du Twitch, peut-être. Mais podcast. Je ne sais pas. Mais en tout cas, écoutez, voilà. Donc. Mais c'est vrai que, en fait, c'est. Alors, j'avais une formule qui était un peu de la merde, dites comme ça. Mais non, parce que je veux pas que ce soit un faux espoir non plus. Moi, je veux pas dire que c'est un adieu total parce que, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir avec le Floodcast et justement, encore une fois, on arrête avant que ce soit plus de plaisir. Et je dis pas que ça reviendra pas peut-être un jour dans une autre formule. Ce qui est sûr, c'est que l'hebdo, j'en peux plus. Voilà, je suis fatigué, j'ai du mal, ça devient difficile. Et là, j'ai besoin d'une pause. Ça, c'est quoi qu'il arrive, c'est sûr. Ouais. Mais ça peut être aussi un arrêt définitif et on revient jamais. Là, honnêtement, on vous dit juste comment on le sent. Et je sais qu'il y a des gens qui vont être très déçus. Je sais qu'il va y avoir des gens qui disent oui, mais tu sais, le cinéma, c'est sympa ce que tu fais, mais oui, le podcast, c'est mieux. Voilà, je sais devant quoi je sais ce que je peux me prendre dans la gueule. Moi, a fortiori, parce que bon, toi, t'as des prêts à l'Alpe d'Huez et tout. Moi, le cinéma, ils vont me dire ouh, non, mais ne mise pas là-dessus, quoi. Enfin, qu'est-ce que. Continue le podcast, enfin. Parce qu'on rappelle, bon, alors, il va y avoir un petit truc un peu anachronique, ouais. Mais. Le moment où j'intègre le classement des personnes les plus drôles de JQ, où ils disent, et vraiment ils le disent dans le truc, ils disent il a fait plusieurs trucs, mais c'est vraiment avec le Floodcast qu'il s'est révélé. On arrête. Oh vraiment. Non, mais je vais devenir le méchant. Non, tu sais, arrête. Tu le sais, dans les duos. Dans les duos, il y a méchant. Non, mais il n'y a pas de méchant. Je le dis en blague pour préchoter les gens. Non, mais encore ta citation merdique de Roald Dahl, là. Non, mais il y a un côté, c'est grâce à toi que ça existe depuis 10 ans. Donc, c'est pas de ta faute si ça s'arrête, quoi. C'est grâce à toi que ça existe depuis 10 ans. Et là, ça s'arrête. Et je suis pas, moi, triste, quoi. Enfin, ouais. Genre, je suis pas en train de me dire, oh non, je fais plus le podcast et tout. Et on le sait, et on le sait acté depuis septembre. Donc, voilà. En fait, là, depuis septembre, vous écoutez des épisodes où nous, on sait qu'on arrête. Et je pense pas, à part peut-être des devins ou peut-être Fabien Olicard, s'il nous écoute, personne a senti qu'il y avait une différence, quoi. Parce que on prend toujours autant de plaisir à le faire, on s'amuse beaucoup. On a reçu, là, le prochain épisode, on a Vladimir et on vient, pour vous dire, on vient de finir de l'enregistrer. On a pris vachement de plaisir parce qu'on reparle un peu des années golden et tout et voilà et moi je suis super heureux. Je voulais aussi dire parce que même si c'est pas la vraie fin, encore une fois il y a des épisodes jusqu'à début juillet, les salles Playel etc, mais quand même remercier parce que c'est trop cool, c'est quand même du plaisir et d'avoir été suivi pendant 10 ans par plein de gens, c'est trop chouette et je tiens particulièrement à dire aux gens qui ont pris la peine parfois, moi honnêtement si je m'étais écouté je pense que j'aurais proposé d'arrêter plus tôt, il y a peut-être 2 ans parce que c'était déjà difficile. Et c'est vraiment les gens qui m'ont dit ah merci pour le Floodcast, ça me fait du bien, ça me permet ouais. d'avancer. Ça a vraiment été, mais honnêtement, hein, la quasi seule et unique raison pour laquelle, avec le plaisir que je prends évidemment, non, mais de continuer, parce que je me disais bah putain, si ça fait autant kiffer des gens un truc qui est aussi simple entre guillemets pour moi à faire, bah évidemment que je veux pas arrêter comme ça. Mais c'est vrai que là on arrive à la 10e année, ma fille est grande, les projets professionnels s'enchaînent et aujourd'hui il faut faire des choix. J'en ai déjà fait certains où j'ai privilégié le Floodcast et là ça devient difficile et voilà, je sens que c'est, enfin on sent, parce que je suis pas tout seul, on sent que c'est le bon moment pour arrêter. C'est voilà. Long. Et puis oui, mais moi je trouve que de toute façon c'est toujours une bonne décision d'arrêter avant que ça devienne de la merde, quoi. Enfin, on a des décennies d'histoire de gens qui arrêtent trop tard. Ouais, voilà. Et donc c'est cool de s'arrêter maintenant. Et juste pour revenir un peu sur ce que je disais avant, moi j'ai croisé des gens dans la rue ou alors des gens qui m'envoyaient des DM depuis quelques mois pour me dire et qui me disaient ah c'est trop bien le Floodcast, franchement surtout arrêtez jamais, et je savais qu'on arrêtait, c'est un crève-cœur. C'était assez dur du coup mais du coup voilà, non mais aussi pour dire c'est, enfin moi je sais en fait je peux pas savoir ce que c'est le Floodcast dans la vie des gens, la place que ça prend, mais moi pour avoir des podcasts qui me tiennent compagnie et qui même dans des moments où ça va pas bien je me dis bah vas-y j'écoute ça et ça me fait du bien, en fait j'ai conscience de la présence qu'un podcast peut être dans la vie de quelqu'un et du coup j'ai conscience, enfin on a conscience de l'effet que ça peut avoir une telle annonce. Ouais. Du coup, on est, je vais pas dire qu'on est désolé, bah, parce que moi, je le dis un peu en vrai. En fait, ça peut paraître con parce qu'en plus, on a toujours dit vous êtes pas nos amis, des choses comme ça. C'est vrai que y a un lien forcément qui est créé entre, en tout cas, l'émission, donc d'une certaine manière, nous et le public qui écoute. Et effectivement, comme je vous dis, c'est pour ça que c'est important pour moi de le dire. C'est une décision pas simple à prendre, quoi. Voilà, c'est nous c'est très difficile. En fait je suis quand même heureux, bah, peut-être parce que j'essaie de voir le positif, qu'on arrête quand tout va bien, enfin tu vois, il y a quand même un truc cool de se dire putain chouette, avec Adrien on a du taf chacun de notre côté sur trucs, on s'entend toujours extrêmement bien, là bosser sur la salle Playel c'est un bonheur, voilà, on a atteint plein de choses qu'on aimerait. Mais évidemment que voilà, ça nous rend aussi triste, et je pense qu'à la salle Playel on va pas emmener large, c'est sûr, mais voilà, donc moi je suis un peu désolé, voilà, quand même. Non, je mais le dis. Oui, enfin, mais c'est une décision qu'il fallait que moi je prenne, parce que il en même de la qualité de l'émission, je pense, voilà, tout simplement, et voilà. Non mais en gros je suis pas désolé dans le sens où c'est pas un truc qu'on fait pour enfin, c'est un, je vais pas dire que c'est un dommage collatéral, mais bon, voilà, on arrête. Enfin, oui. Sinon, dans ce cas-là, on n'arrêtait jamais, quoi. Donc, du coup, faut bien que les choses aient une fin, et nous, on estime que c'est le bon moment. Mais juste pour dire, on le fait en ayant conscience de, voilà, nous, ouais. On a vécu des l'arrêt de trucs, bah ça fait mal au cœur, on en a conscience, c'est comme ça, quoi. Ça fait partie des trucs, donc, et voilà, merci en tout cas d'avoir écouté. Mais surtout ça, oui, c'est plus que qu'on est désolé, c'est merci d'avoir écouté, merci d'être venu aussi nombreux. J'espère que vous serez encore là jusqu'à la fin, puisqu'encore une fois, on poste cette annonce maintenant, mais encore une fois, on est là jusqu'à la fin de la saison quand même. Merci pour ce que vous avez permis de faire, parce que si aujourd'hui, même si je sens que certains vont forcément entendre le truc de bon, bah, il a préféré le cinéma au podcast, je sais aussi que j'ai oui, mais pu c'est faire des ton choses. Droit non. aussi, enfin, je oui, veux bien dire, sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que. Quand t'étais gosse, tu rêvais pas d'être podcasteur. Ce qui est aussi d'ailleurs la très belle histoire de cette émission. Moi, jamais je pensais que ça durerait 10 piges. Jamais je pensais que ça nous permettrait de faire l'Olympia ou une tournée. Ouais, ouais. Je pensais même pas rester 10 ans proche avec des gens. Enfin, tu vois, avec ce qu'on a construit avec Adrien, notre amitié s'est renforcée grâce à cette émission. On a vécu plein de choses. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi que le Floodcast a permis de faire des trucs. Si Les Le Roi a rempli en avant-première, des choses comme ça, c'est grâce au Floodcast. Ce qui veut dire, c'est que quand il fera un autre film, il refera des épisodes. Ne vous inquiétez pas. Ça fait... Elle a une semaine avant. Hé, les gars, ça envoie du sax. Vous rappelez, là, le sax, là. Non, mais... L'horreur. C'est Black Mirror. Non, écoutez, mais... c'est Black Mirror. Fais mon temps. Fais mon temps. C'est Black Mirror. Le saxophone. Bon voilà, on a sauté sans filet sur cette annonce. J'ai fait Aznavour. Il fallait arrêter. C'est là, voilà, voilà. Si je commence à confondre les imitations, alors que j'ai un talent d'imitation. Oui, c'est le GQ. Bien sûr. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà. J'espère que vous m'en voulez pas trop. J'espère que vous nous en voulez pas trop. Non, non, mais dis pas toi. C'est nous non, deux. Non, mais c'est nous, c'est nous. Parce c'est... que moi, une simple clé de bras et on continuait. Donc c'est nous deux. C'est voilà. Oui, oui. Non, non, mais je laisse pas entrouverte une porte, mais encore une fois, je. On sait pas de quoi l'avenir sera fait. Là, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous dire bah oui, on arrête, mais qui sait ? Voilà, qui sait ? Mais nous envoyez pas des messages tous les jours pour quand est-ce qu'on revient, parce que pour le moment, c'est vraiment pas prévu. Ça n'a pas marché avec Antoine Daniel. Ça ne marchera pas avec nous. Ça voilà. Marchera pas avec nous. Mais hey, et c'est aussi le truc, ça fait 10 ans quoi. Et aussi, si vous me connaissez un peu, vous savez que plus on me demande quelque chose et moins j'ai envie de le faire. Voilà. Bon, merci non, tout voilà, le monde. Merci tout le monde. Et bah, on espère. Alors. Aussi un truc, on est pour le coup désolé pour les gens qui sont en région. Oui, oui, c'est important de le dire ça. On aurait aimé. Franchement, on a regardé, avoir on s'est renseigné. La possibilité, tout ça, de. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que les tournées, et c'était déjà le cas sur la première, je vais vraiment tout vous dire pour que vraiment, même si je comprends qu'il y en a qui seront déçus, il faut réserver les salles en avance. Il faut que les dates aient un peu un espèce de sens pour qu'on puisse faire un peu le tour des villes. Ouais, voilà. C'était un espèce de bordel. Compliqué, et puis toi, très compliqué. Et puis, les emplois du emploi temps de chacun. Temps, et aussi continuer l'émission parce que. C'était ultra important pour nous aussi de pas la saison se termine comme une saison normale en tout cas et donc voilà c'était pas possible donc on a mis 3 salles Playel. On sait que c'est pas assez de faire ça que à Paris pour plein de gens en région, on est désolé. S'il y en a qui veulent faire le déplacement, ça nous fera très plaisir. Vous non plus vous ruinez on pas vous pour paye, nous on vous paye quoi on ah, vous paye oh le billet là là, mais quoi, non, non on avait pas... on sera aussi okay. Au Culture Fest, faut le dire aussi, s'il y a des gens qui veulent nous voir, on sera au Culture Fest de Manon Bril entre autres. D'ailleurs je dis de Manon Bril, je sais qu'elle est pas seule, mais c'est un peu la porte-parole la number one. Et voilà. On y sera. Et la salle Playel, on l'a évidemment visitée il y a quelques mois. Elle est très grande. Vous savez à quel point je suis attaché au confort des sièges. Oh, les sièges, ils sont incroyables. Très confortables. Oh, il y a de la place pour les jambes. Oh. On est bien assis. On voit bien un peu partout. On hein. a testé toutes les positions et on sait que jusqu'au fin fond de la salle, on voit bien la scène. Ouais. C'est très bien conçu. On est trop content de le faire là-bas. Les gens, l'équipe de la salle Playel a cool. été très accueillante. On pensait que potentiellement, vu que c'est quand même une salle qui est plutôt dédiée au concert, voire musique classique, au concert philharmonique et tout. Mais après, on peut dire qu'André Rieu sera dans le premier salle Playel. Ne spoil pas tout. Il jouera du sax par contre. Non, non, mais ils nous ont vraiment accueillis, pas du tout pris de haut. Alors que bon, on va quand même l'insonorisation, le son est cristallin. C'est terrible. Pas une seule réverbe. On va imiter Chirac et Mitterrand. Voilà. Donc ils nous ont accueillis comme si on était un orchestre philharmonique. Ouais, voilà. Si on était, par exemple, nos femmes étaient des poules dans un poulailler, par exemple, et qu'on était dans une cuisine et qu'on aimerait faire un petit plat. D'accord, une tarte par exemple. Oui, bah quand tu fais une tarte par exemple. Ouais. Bon, t'achètes tes ingrédients sont achetés à ce moment-là. Ouais, ouais, mais peut-être que il y a la base. C'est ça que tu parles. Je parle de la pâte. La pâte, d'accord. Voilà. Et du coup, si on était le conjoint d'une poule. Oui. Donc le coq, hein, pour le dire. Le coq, ouais. Celui qui chante le matin, tout ça. Et éventuellement, on serait dans la pâte. En tout cas, on est tous les deux dedans et on espère que les auditeurs qui viendront. C'est comme ça qu'on était quand ils nous ont accueillis à cette Playel. On s'est senti exactement comme ça. Ça pourrait. Bah voilà, après est-ce que ça va une expression qui va prendre comme ça envoie du sac, mais on était vraiment comme des coqs en pâte. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc il ne tient qu'à vous d'être une véritable basse-cour en pâte avec nous. Voilà, j'ai envie voilà. de vous dire. Mais voilà, merci beaucoup pour toutes ces années, c'était trop cool. On espère que vous serez encore là jusqu'à la fin. On pense à vous et puis on va pas dire on vous aime parce que on n'est pas des youtubeurs. Et on vous connaît pas tous perso. On vous connaît pas. Il y a sûrement des horribles. On l'a vu récemment. Il y a des racistes dans nos auditeurs, vous pouvez arrêter de nous écouter. Et oui, oui, vraiment, n'hésitez pas. Ne venez pas à la salle Playel, d'ailleurs. Toi, Adrien, j'ai l'impression que t'es en train de faire une véritable obsession. Ah, j'ai une obsession pour le racisme. Ah ouais, ça revient encore, quoi. Non, non, mais oui, tout être raciste n'est pas obligé de venir. Il y a plein de trucs pour vous. Il y a plein de trucs pour vous. Voilà. La billetterie sera sur l'Instagram du podcast et en description. Voilà, quand même, pour ceux que ça intéresse. Merci encore. des bisous et puis et à la semaine prochaine, enfin voilà, lundi quoi. On continue les épisodes de toute façon jusqu'à la fin. Et pourquoi pas Adrien? Et jusqu'à ce que voilà, je ne représente plus aucun c'est intérêt. Oh non, voilà, je le sentais venir. Pour qui que ce soit. Allez, ciao. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.